La société qui se réunissait chez la princesse Tverkoï pour la partie de croquet à laquelle Anna était invitée se composait de deux dames et de leurs adorateurs. Ces dames étaient les personnalités les plus remarquables d'une nouvelle coterie pétersbourgeoise qu'on avait surnommée les sept merveilles du monde, par imitation de quelque autre imitation. Toutes deux appartenaient au plus grand monde, mais à un monde hostile à celui que fréquentait Anna. Le vieux Stremov, un des personnages les plus influents de Pétersbourg, l'admirateur de Lise Merkalov, était l'ennemi déclaré d'Alexis Alexandrovitch. Anna, après avoir pour cette raison décliné une première invitation de Betsy, s'était décidée à se rendre chez elle dans l'espoir d'y rencontrer Vronsky. Elle arriva la première chez la princesse. Au même moment, le domestique de Vronsky, ressemblant à s'y méprendre un gentilhomme de la chambre avec ses favoris frisés, s'arrêta à la porte pour la laisser passer et souleva sa casquette. En le voyant, Anna se souvint que Vronsky l'avait prévenu qu'il ne viendrait pas. C'était probablement pour s'excuser qu'il envoyait un billet par son domestique. Elle eut envie de demander à celui-ci où était son maître, de retourner pour écrire à Vronsky en le priant de venir la rejoindre ou d'aller elle-même le trouver. Mais une cloche avait déjà annoncé sa visite et un laquais près de la porte attendait qu'elle entrât dans la pièce suivante. « La princesse est au jardin, on va la prévenir, » dit un second laquais. Il lui fallait, sans avoir vu Vronsky et sans avoir rien pu décider, rester avec ses préoccupations dans ce milieu étranger, animé de dispositions si différentes des siennes. Mais elle portait une toilette qui, elle le savait, lui allait bien. L'atmosphère d'oisiveté solennelle dans laquelle elle se trouvait lui était familière et enfin, n'étant plus seule, elle ne pouvait se creuser la tête sur le meilleur parti à prendre. Anna respira plus librement. En voyant venir Betsy à sa rencontre dans une toilette blanche d'une exquise élégance, elle lui sourit comme toujours. La princesse était accompagnée de Tushkevitch et d'une parente de province qui, à la grande joie de sa famille, passait l'été chez la célèbre princesse. Anna avait probablement un air étrange, car Betsy lui en fit aussitôt l'observation. « Oh, j'ai mal dormi, » répondit Anna, en regardant à la dérobée le laquais apportant le billet qu'elle supposait être de Vronsky. « Oh, que je suis contente que vous soyez venue, » dit Betsy. « Je n'en puis plus, et je voulais précisément prendre une tasse de thé avant leur arrivée. « Et vous, » dit-elle en se tournant vers Tushkevitch, « vous feriez bien d'aller avec Marie et essayer le Crockett Ground, là où le salon a été, gazon a été fauché. Nous aurons le temps de causer un peu en prenant notre thé. We'll have a cozy chat, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle en se tournant vers Anna avec un sourire et lui tendant la main. « D'autant plus volontiers que je ne puis rester longtemps. Il faut absolument que j'aille chez la vieille Vrede. » « Voilà 100 ans que je lui promets une visite, » dit Anna, à qui le mensonge, contraire à sa nature, devenait non seulement simple, facile, mais presque agréable. Pourquoi disait-elle une chose à laquelle 5 minutes auparavant elle ne songeait même pas? C'est que, sans se l'expliquer, elle cherchait à se ménager une porte de sortie pour tenter, dans le cas où Vronsky ne viendrait pas, de le rencontrer quelque part. L'événement prouva que de toutes les ruses dont elle pouvait user, celle-ci était la meilleure. « Oh, je ne vous laisse pas partir, » répondit Betsy en regardant attentivement Anna. « En vérité, si je ne vous aimais pas tant, je serais tenté de m'enfoncer. » On dirait que vous avez peur que je ne vous compromette. Le thé au petit salon, dit-elle, en s'adressant au laquais, avec un clignement d'yeux qui lui était habituel. Et prenant le billet, elle le parcourut. Ah, Alexis nous fait faux bond, dit-elle en français d'un ton aussi simple et naturel que si jamais il ne lui fût entré dans l'esprit que Vronsky eut pour Anna un autre intérêt que celui de jouer au croquet. Il écrit qu'il ne peut pas venir. » Anna ne doutait pas que Betsy sût à quoi s'en tenir, mais en l'entendant, la conviction lui vint momentanément qu'elle ignorait tout. « Ah ! » fit-elle simplement, comme si ce détail lui importait peu. « Comment, continua-t-elle en souriant, votre société peut-elle compromettre quelqu'un ?» Cette façon de cacher un secret en jouant avec les mots avait pour Anna, comme pour toutes les femmes, un certain charme. Ce n'était pas tant le besoin de dissimuler ni le but de la dissimulation que le procédé en lui-même qui la séduisait. Vous ne saurez être plus catholique que le pape, Stremov et Lise Merkalov, mais c'est le dessus du panier de la société. D'ailleurs, ne sont-ils pas reçus partout? Quant à moi, elle appuya sur le mot moi, je n'ai jamais été ni sévère ni intolérante, je n'en ai pas le temps. Non, mais peut-être n'avez-vous pas envie de rencontrer Stremov? Alors laissez-le donc se prendre aux cheveux avec Alexis Alexandrovitch dans leur commission. Cela ne nous regarde pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas d'homme plus aimable dans le monde, ni de joueur plus passionné au croquet. Vous verrez cela, et vous verrez avec quel esprit il se tire de la situation comique de vieil amoureux de Lise. C'est vraiment un charmant homme. Vous ne connaissez pas Sappho Stolz? Oh, c'est le dernier mot du bon ton, hein. Bon ton tout battant neuf. Betsy, tout en bavardant, regardait Anna d'un air qui fit comprendre à celle-ci que son interlocutrice doutait de son embarras et cherchait un moyen de l'en faire sortir. Oh, en attendant, il faut répondre à Alexis. Et Betsy s'assit devant un bureau et écrivit un mot qu'elle mit sous enveloppe. Je lui écris de venir dîner, il me manque un cavalier pour une de mes dames. Voyez donc si je suis assez impérative. Pardon de vous quitter un instant, j'ai un ordre à donner. Cachetez et envoyez, lui dit-elle de la porte. Sans hésiter un moment, Anna prit la place de Betsy au bureau et ajouta ses lignes au billet. J'ai absolument besoin de vous parler. Venez au jardin Vred, j'y serai à 6 heures. Elle ferma la lettre que Betsy expédia en rentrant. Les deux femmes eurent effectivement un cosy chat en prenant le thé. Elles causèrent en les jugeant de celles qu'on attendait, et d'abord de Lise Merkalov. « Elle est charmante et m'a toujours été sympathique, » dit Anna. Ben, « Vous lui devez bien cela, elle vous adore. Hier soir, après les courses, elle s'est approchée de moi et a été désolée de ne plus vous trouver. Elle prétend que vous êtes une véritable héroïne de roman et qu'elle ferait 1000 folies pour vous si elle était homme. Stremov lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'être homme pour faire des folies. Mais expliquez-moi une chose que je n'ai jamais comprise, dit Anna après un moment de silence et d'un ton qui prouvait clairement qu'elle ne faisait pas simplement une question oiseuse. Quel rapport y a-t-il entre elle et le prince Kagoulov, celui qu'on appelle Mishka? Je les ai rarement rencontrés ensemble. Qu'y a-t-il entre eux? Betsy sourit les yeux et regarda Anna attentivement. Oh, c'est un genre nouveau, répondit-elle. Toutes ces dames l'ont adopté en jetant leur bonnet par-dessus les moulins. Il y a manière de le jeter, cependant. Oui, mais quel rapport y a-t-il entre elle et Kalugov? Betsy, ce qui lui arrivait rarement, partit d'un irrésistible accès de fou rire. Mais vous marchez sur les traces de la princesse Miankaya! « C'est une question d'enfant, » dit Betsy en riant aux larmes, de ce rire contagieux propre aux personnes qui rient rarement. « Il faut le leur demander. »« Vous riez, » dit Anna, gagnée par sa gaieté, « mais je n'y ai réellement rien, mais rien compris. Mais quel est le rôle du mari ?»« Le mari ? Mais le mari de Lise Merkalov porte son plaid et se tient à son service. Quant au fond de la question, personne ne tient à le connaître. Vous savez qu'il y a des articles de toilette dont on ne parle jamais dans la bonne société, dont on tient même à ignorer l'existence. Il en est de même pour ces questions-là. Irez-vous à la fête des Rolandaki, dit Anna pour changer de conversation. Oh, je ne pense pas, répondit Betsy. Et sans regarder son amie, elle versa avec soin le thé parfumé dans de petites tasses transparentes, puis elle prit une cigarette et se mit à fumer. La meilleure des situations est la mienne, dit-elle en cessant de rire. Je vous comprends, vous, et je comprends Lise. Lise est une de ces natures naïves, inconscientes, comme celle des enfants, ignorant le bien et le mal. Au moins était-elle ainsi dans sa jeunesse, et depuis qu'elle a reconnu que cette naïveté lui seyait, elle fait exprès de ne pas comprendre. Cela lui va tout de même. On peut considérer les mêmes choses de façon très différente. Les uns prennent les événements de la vie au tragique, et s'en font un tourment. Les autres les prennent tout simplement et même gaiement. Peut-être avez-vous des façons de voir trop tragiques. Que je voudrais connaître les autres autant que je me connais moi-même, dit Anna d'un air pensif et sérieux. Suis-je meilleur, suis-je pire que les autres? Oh, je crois bien que je dois être pire. « Vous êtes une enfant, une terrible enfant, » dit Betsy. « Ah, mais les voilà !» Des pas et une voix d'homme se firent entendre, puis une voix de femme et un éclat de rire. Après quoi, les visiteurs attendus firent leur entrée au salon. C'était Sappho Stoltz et un jeune homme répondant au nom de Vaska, dont le visage rayonnait de satisfaction et d'une santé un peu trop exubérante. Les truffes, le vin de Bourgogne, les viandes saignantes lui avaient trop bien réussi. Vaska salua les deux dames en entrant, mais le regard qu'il leur jeta ne dura pas plus d'une seconde. Il traversa le salon derrière Sappho, comme s'il eût été mené en laisse, la dévorant de ses yeux brillants. Sappho Stoltz était une blonde aux yeux noirs. Elle entra d'un pas délibéré, hissée sur des souliers à talons énormes, et alla vigoureusement secouer la main aux dames à la façon des hommes. Anna fut frappée de la beauté de cette nouvelle étoile, qu'elle n'avait pas encore rencontrée, de sa toilette poussée aux dernières limites de l'élégance et de sa désinvolture. La tête de la baronne portait un véritable échafaudage de cheveux vrais et faux, d'une nuance dorée charmante. Cette coiffure élevée donnait à sa tête à peu près la même hauteur qu'à son buste très bombé. Sa robe, fortement serrée par derrière, dessinait les formes de ses genoux et de ses jambes à chaque mouvement, et en regardant le balancement de son énorme pouf, on se demandait involontairement où pouvait bien se terminait ce petit corps élégant, si découvert du haut et si serré du bas. Betsy se hâta de la présenter à Anna. Imaginez-vous que nous avons failli écraser deux soldats, commença-t-elle aussitôt en clignant des yeux avec un sourire et en rejetant la queue de sa robe en arrière. J'étais avec Vaska. Ah, j'oubliais que vous ne le connaissez pas. Et elle désigna le jeune homme par son nom de famille, en rougissant et en riant de l'avoir nommé Vaska devant des étrangers. Celui-ci salua une seconde fois, mais ne dit pas un mot, et se tournant vers Sappho, ah, le pari est perdu, dit-il, nous sommes arrivés premiers, il ne nous reste qu'à payer. Sappho rit encore plus fort. Oh, pas maintenant, cependant. Ah, c'est égal, vous me paierez plus tard. C'est bon, c'est bon, ah, mon Dieu ! S'écria-t-elle tout à coup en se tournant vers la maîtresse de la maison, j'oubliais de vous dire, oh, étourdi que je suis. Oh, je vous amène un autre. Et le voilà. Le jeune hôte annoncé par Sapho, qu'on n'attendait pas, et qu'elle avait oublié, se trouva être d'une importance telle que, malgré sa jeunesse, les dames se levèrent pour le recevoir. C'était le nouvel adorateur de Sapho, et à l'exemple de Vaska, il suivait tous ses pas. À ce moment entrèrent le prince Kagulov et Lise Merkalov avec Stremov. Lise était une petite brune un peu maigre, à l'air indolent, au type oriental, avec des yeux que tout le monde assurait être impénétrables. Sa toilette de nuances foncées, qu'Anna remarqua et apprécia aussitôt, était en harmonie parfaite avec son genre de beauté. Autant Sapho était brusque et décidée, autant Lise avait un laisser-aller plein d'abandon. Betsy, en parlant d'elle, lui avait reproché ses airs d'enfant innocent. Le reproche était injuste. Lise était bien réellement un être charmant, d'inconscience, quoique gâté. Ses manières n'étaient pas meilleures que celles de Sapho. Elle aussi menait à sa suite, cousus à sa robe, deux adorateurs qui la dévoraient les yeux, l'un jeune, l'autre vieux. Mais il y avait en elle quelque chose de supérieur à son entourage. On aurait dit un diamant au milieu de simples verroteries. L'éclat de la pierre précieuse rayonnait dans ses beaux yeux énigmatiques, entourés de grands cercles bistrés, dont le regard fatigué et cependant passionné frappait par sa sincérité. En la voyant, on croyait lire dans son âme, et la connaître, c'était l'aimer. À la vue d'Anna, son visage s'illumina d'un sourire de joie. « Ah, que je suis contente de vous voir !» dit-elle en s'approchant. « Hier soir, aux courses, je voulais arriver jusqu'à vous. Vous veniez précisément de partir. N'est-ce pas que c'était horrible ?» dit-elle avec un regard qui semblait lui ouvrir son cœur. Bon, « c'est vrai, je n'aurais jamais cru que cela pût émouvoir à ce point, » répondit Anna en rougissant. Les joueurs de croquet se levèrent pour aller au jardin. « Je n'irai pas, » dit Lise en s'asseyant plus près d'Anna. « Vous non plus, n'est-ce pas ? Quel plaisir peut-on trouver à jouer au croquet ?»« Oh, mais j'aime assez cela, » dit Anna. « Comment, dites-moi, mais comment faites-vous pour ne pas vous ennuyer ? On se sent content rien que de vous regarder. Vous vivez, vous. Moi, je m'ennuie. »« Vous vous ennuyez, mais on assure que votre maison est la plus gaie de tout Pétersbourg, » dit Anna. « Oh, peut-être ceux auxquels nous paraissons si gais s'ennuient-ils encore plus que nous. Mais moi, du moins, je ne m'amuse certainement pas. » « Je m'ennuie cruellement. » Sapho alluma une cigarette et, suivi des jeunes gens, s'en alla au jardin. Betsy et Stremov restèrent près de la table à thé. « Je vous le redemande, » reprit Lise, « comment faites-vous pour ne pas connaître l'ennui ?»« Je ne fais rien, » dit Anna, en rougissant de cette insistance. « Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» dit Stremov en se mêlant à la conversation. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, grisonnant mais bien conservé, laid mais d'une laideur originale et spirituelle. Lise Merkalov était la nièce de sa femme et il passait auprès d'elle tous ses moments de loisir. Rencontrant Anna dans le monde, il chercha un homme bien élevé, à se montrer particulièrement aimable pour elle, en raison même de ses mauvais rapports d'affaires avec son mari. « Le meilleur des moyens de ne rien faire, » continua-t-il avec son sourire intelligent. « Je vous le répète depuis longtemps, il suffit pour ne pas s'ennuyer de ne pas croire qu'on s'ennuiera. De même que si l'on souffre d'insomnie, il ne faut pas se dire que jamais on ne s'endormira. » Voilà ce qu'a voulu vous faire comprendre Anna Arkadievna. Je serais ravi d'avoir effectivement dit cela, reprit Anna en souriant, car c'est mieux que spirituel, c'est vrai. Mais pourquoi, dites-moi, est-il aussi difficile de s'endormir que de ne pas s'ennuyer? Ben, pour dormir, il faut d'abord travailler et pour s'amuser aussi. Mais quel travail pourrais-je bien faire, moi, dont le travail est bon à personne? Je pourrais faire semblant, mais je ne m'y entends pas, et je ne veux pas m'y entendre. « Vous êtes incorrigible !» dit Stremov en s'adressant encore à Anna. Il la rencontrait rarement et ne pouvait guère lui dire que des banalités, mais il sut tourner ces banalités agréablement, lui parler de son retour à Pétersbourg et de l'amitié de la comtesse Lydie pour elle. « Oh, ne partez pas, je vous en prie !» dit Lise, en apprenant qu'Anna allait les quitter. Stremov se joignit à elle. « Oh, vous trouverez un contraste trop grand entre la société d'ici et celle de la vieille Vred, dit-il, et puis vous ne lui serez qu'un sujet de médisance, tandis que vous vous éveillez ici des sentiments très différents. » Anna resta pensive un moment. Les paroles flatteuses de cet homme d'esprit, la sympathie enfantine et naïve que lui témoignait Lise, ce milieu mondain auquel était habitué et dans lequel il lui semblait respirer librement, comparé à ce qu'il attendait chez elle, lui causèrent une minute d'hésitation. Ne pouvait-elle remettre à plus tard le moment terrible de l'explication? Mais, se rappelant la nécessité absolue de prendre un parti et son profond désespoir du matin, elle se leva, fit ses adieux, est parti. Malgré sa vie mondaine et son apparente légèreté, Vronsky avait horreur du désordre. Un jour, étant jeune et encore au corps des pages, il se trouva à court d'argent et en essuya un refus lorsqu'il voulut en emprunter. Depuis lors, il s'était juré de ne plus s'exposer à cette humiliation et se tint parole. 5 ou 6 fois par an, il faisait ce qu'il appelait sa lessive, et gardait ainsi ses affaires en ordre. Le lendemain des courses, s'étant réveillé tard, Vronsky, avant son bain et sans se raser, endossa un sarrau de soldat et procéda au classement de ses comptes et de son argent. Pietlitsky, connaissant l'humeur de son camarade dans ces cas-là, se leva et s'esquiva sans bruit. Tout homme dont l'existence est compliquée croit aisément que les difficultés de la vie sont une malchance personnelle, un privilège malheureux réservé à lui seul et dont les autres sont exempts. Vronsky pensait ainsi, s'enorgueillissant, non sans raison, d'avoir jusqu'ici évité des embarras auxquels d'autres auraient succombé. Mais, afin de ne pas aggraver la situation, il voulait au plus tôt voir clair dans ses affaires et avant tout dans ses affaires d'argent. Il écrivit, de son écriture fine, un état de ses dettes et trouva un total de plus de 17 000 roubles, tandis que tout son avoir ne montait qu'à 1 800 roubles, sans aucune rentrée à toucher avant le jour de l'an. Vronsky fit alors une classification de ses dettes et établit 3 catégories. D'abord les dettes urgentes, qui montaient à environ 4 000 roubles, dont 1 500 pour son cheval et 2 000 pour payer un escroc qui les avait fait perdre à un de ses camarades. Cette dette ne le concernait pas directement puisqu'il était simplement porté caution pour un ami, mais il tenait, en cas de réclamation, à pouvoir jeter cette somme à la tête du fripon qu'il avait escroqué. Ces 4 000 roubles étaient donc indispensables. Venaient ensuite les dettes de son écurie de course, environ 8 000 roubles, à son fournisseur de foin et d'avoine, ainsi qu'au bourrelier anglais, et avec 2 000 roubles, on pouvait provisoirement tout régler. Quant aux dettes à son tailleur et à divers autres fournisseurs, elles pouvaient attendre. En somme, il lui fallait 6 000 roubles immédiatement, et il n'en restait que 1 800. Pour un homme auquel on attribuait 100 000 roubles de revenus, c'était de faibles dettes. Mais ce revenu n'existait pas. Car la fortune paternelle étant indivise, Vronsky avait cédé sa part des 200 000 roubles qu'elle rapportait à son frère au moment du mariage de celui-ci avec une jeune fille sans fortune, la princesse Barbenchirikov, fille du décembriste. Alexis ne s'était pas réservé qu'un revenu de 25 000 roubles, disant qu'il suffirait jusqu'à ce qu'il se mariât, ce qui n'arriverait jamais. Son frère, très endetté et commandant un régiment qui obligeait à de grandes dépenses, ne put refuser ce cadeau. La vieille comtesse, dont la fortune était indépendante, a ajouté 20 000 roubles au revenu de son fils cadet, qui dépensait tout sans songer à l'économie. Mais sa mère, mécontente de la façon dont il avait quitté Moscou et de sa liaison avec Madame Karénine, avait cessé de lui envoyer de l'argent. De sorte que Vronsky, vivant sur le pied d'une dépense de 45 000 roubles par an, s'était trouvé réduit tout à coup à 25 000. Avoir recours à sa mère était impossible, car la lettre qu'il avait reçue d'elle l'irritait, surtout par les allusions qu'elle contenait. On voulait bien l'aider dans l'avancement de sa carrière, mais non pour continuer une vie qui scandalisait toute la bonne société. L'espèce de marché sous-entendu par sa mère l'avait blessé jusqu'au fond de l'âme. Il ne sentait plus refroidi que jamais à son égard. D'un autre côté, reprendre la parole généreuse qu'il avait donnée à son frère un peu étourdiment était aussi inadmissible. Le souvenir seul de sa belle-sœur, de cette bonne et charmante Varia, qui à chaque occasion lui faisait entendre qu'elle n'oubliait pas sa générosité et ne cessait de l'apprécier, eût suffi à l'empêcher de se réfracter. C'était aussi impossible que de battre une femme, de voler ou de mentir. Et cependant, il sentait que sa liaison avec Anna pouvait lui rendre son revenu aussi nécessaire que s'il était marié. La seule chose pratique, et Vronsky s'y arrêta sans hésitation, était d'emprunter 10 000 roubles à un usurier, ce qui n'offrait aucune difficulté, de diminuer ses dépenses et de vendre son écurie. Cette décision prise, il écrivit à Rolandaki, qui lui avait souvent proposé d'acheter ses chevaux, fit venir l'anglais et l'usurier et partagea entre divers comptes l'argent qui lui restait. Cela fait, il écrivit un mot bref à sa mère et prit, pour les relire encore une fois avant de les brûler, les 3 dernières lettres d'Anna. Le souvenir de leur entretien de la veille le fit tomber dans une profonde méditation. Vronsky s'était fait un code de loi pour son usage particulier. Ce code s'appliquait à un cercle de devoirs peu étendu, mais strictement déterminé. N'ayant guère eu à sortir de ce cercle, Vronsky ne s'était jamais trouvé pris au dépourvu, ni hésitant sur ce qu'il convenait de faire ou d'éviter. Ce code lui prescrivait, par exemple, de payer une dette de jeu à un escroc, mais ne déclarait pas indispensable de solder la note de son tailleur. Il défendait le mensonge, excepté envers une femme. Il interdisait de tromper, sauf un mari. Admettait l'offense, mais non le pardon des injures. Ces principes pouvaient manquer de raison et de logique, mais comme Vronsky ne les discutait pas, il s'était toujours attribué le droit de porter haut la tête du moment qu'il les observait. Depuis sa liaison avec Anna, il apercevait cependant certaines lacunes à son code. Les conditions de sa vie ayant changé, il n'y trouvait plus réponse à tous ses doutes et se prenait à hésiter en songeant à l'avenir. Jusqu'ici, ses rapports avec Anna et son mari étaient rentrés dans le cadre des principes connus et admis. Anna était une femme honnête qui, lui ayant donné son amour, avait tous les droits imaginables à son respect, plus même que si elle eût été sa femme légitime. Il se serait fait couper la main plutôt que de se permettre un mot, une allusion blessante, rien qui pût sembler contraire à l'estime et à la considération sur lesquelles une femme doit compter. Ses rapports avec la société étaient également clairs. Chacun pouvait soupçonner sa liaison, mais personne ne devait oser en parler. Il était prêt à faire taire les indiscrets et à les obliger de respecter l'honneur de celle qu'il avait déshonorée. Ses rapports avec le mari étaient plus clairs encore. Du moment où il avait aimé Anna, ses droits sur elle lui semblaient imprescriptibles. Le mari était un personnage inutile, gênant, position certainement désagréable pour lui, mais à laquelle personne ne pouvait rien. Le seul droit qui lui resta était de réclamer une satisfaction par les armes, ce à quoi Vronsky était tout disposé. Cependant, les derniers jours avaient amené des incidents nouveaux et Vronsky n'était pas prêt à les juger. La veille, Anna lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Il sentait qu'elle attendait de lui une résolution quelconque. Or, les principes qui dirigeaient sa vie ne déterminaient pas ce que devait être cette résolution. Au premier moment, son cœur l'avait tout poussé à exiger qu'elle quittât son mari. Maintenant, il se demandait, après y avoir réfléchi, si cette rupture était désirable, et ses réflexions le jetaient dans la perplexité. Lui faire quitter son mari, c'est unir sa vie à la mienne. Mais y suis-je préparé? Puis-je l'enlever, manquant d'argent comme je le fais? Admettons que je m'en procure. Puis-je l'emmener tant que je suis au service? Au point où nous en sommes, je dois me tenir prêt à donner ma démission et à trouver de l'argent. L'idée de quitter le service l'amenait à envisager un côté secret de sa vie qu'il était seul à connaître. L'ambition avait été le rêve de son enfance et de sa jeunesse, rêve capable de balancer dans son cœur l'amour que lui inspirait Anna, quoiqu'il n'en convainc pas avec lui-même. Ses premiers pas dans la carrière militaire avaient été aussi heureux que ses débuts dans le monde, mais depuis 2 ans, il subissait les conséquences d'une insigne maladresse. Au lieu d'accepter un avancement qui lui fut proposé, il refusa, comptant sur ce refus pour se grandir et prouver son indépendance. Il avait trop présumé du prix qu'on attachait à ses services, et depuis lors on ne s'était plus occupé de lui. Bon gré, mal gré, il se voyait réduit à ce rôle d'homme indépendant qui, ne demandant rien, ne peut trouver mauvais qu'on le laisse s'amuser en paix. En réalité, il ne s'amusait plus. Son indépendance lui pesait et il commençait à craindre qu'on ne le tînt définitivement pour un brave et honnête garçon uniquement destiné à s'occuper de ses plaisirs. Sa liaison avec Anna avait un moment calmé le ver rongeur de l'ambition déçue, en attirant sur lui l'attention générale comme sur le héros d'un roman. Mais le retour d'un ami d'enfance, le général Serpuhovskoï, venait de réveiller ses anciens sentiments. Le général avait été son camarade de classe, son rival d'études et d'exercice du corps, le compagnon de ses folies de jeunesse. Il revenait couvert de gloire de l'Asie centrale, et à peine rentré à Pétersbourg, on attendait sa nomination à un poste important. On le considérait comme un astre levant de premier ordre. Auprès de lui, Vronsky, libre, brillant, aimé d'une femme charmante, n'en faisait pas moins triste figure, comme simple capitaine de cavalerie auquel on permettait de rester indépendant tout à son aise. Certainement, se disait-il, je ne porte pas envie à Serpuhovskoï, mais son avancement prouve qu'il suffit à un homme comme moi d'attendre son heure pour faire rapidement carrière. Il y a de cela 3 ans à peine, il était au même point que moi. Si je quittais le service, je brûlerais mes vaisseaux. En y restant, je ne perds rien. Ne m'a-t-elle pas dit elle-même qu'elle ne voulait pas changer sa situation? Et puis-je, possédant son amour, envier Serpuhovskoï? Il frisa lentement le bout de sa moustache, se leva et se mit à marcher dans la chambre. Ses yeux brillaient, et il éprouvait le calme d'esprit qui succédait toujours chez lui au règlement de ses affaires. Cette fois encore, tout était remis en bon ordre. Il se rasa, prit son bain froid, s'habilla et s'apprêta à sortir. « Ah, je venais te chercher, » dit Petritsky en entrant dans la chambre. « Ta lessive va durer longtemps aujourd'hui. Est-elle terminée ?»« Oui, » dit Vronsky en souriant des yeux. « Quand tu sors de ces lessives, on dirait que tu sors du bain. Ah, je viens de chez Gritsky, le colonel de leur régiment. On t'attend. » Vronsky regardait son camarade sans lui répondre. Sa pensée était ailleurs. « Ah, c'est chez lui que cette musique, » dit-il en écoutant le son bien connu des polkas et des valses de la musique militaire, « qui se faisait entendre dans le lointain. Quelle fête y a-t-il donc ?»« Serpuhovskoï est arrivé. »« Ah, » dit Vronsky, « je ne le savais pas. » Et le sourire de ses yeux brilla plus vif. Il avait pris en lui-même le parti de sacrifier son ambition à son amour, et de se trouver heureux, donc, il ne pouvait en vouloir à Serpuhovskoï de ne pas être encore venu le voir. « J'en suis enchanté !» Le colonel Gritsky occupait une grande maison seigneuriale quand Vronsky arriva. Toute la société était réunie sur la terrasse du bas. Les chanteurs du régiment, en sarrau d'été, se tenaient debout dans la cour autour d'un petit tonneau d'eau-de-vie. Sur la première marche de la terrasse, le colonel, avec sa bonne figure réjouie, entouré de ses officiers, criait plus fort que la musique, qui jouait un quadrille d'Offenbach, et il donnait avec force geste des ordres à un groupe de soldats. Ceux-ci, avec le vague-mestre et quelques sous-officiers, s'approchèrent du balcon en même temps que Vronsky. Le colonel, qui était retourné à table, reparut un verre de champagne en main et porta le toast suivant. « À la santé de notre ancien camarade, le brave général-prince Serpuhovskoï, hurrah !» Serpuhovskoï parut le verre à la main à la suite du colonel. « Tu rajeunis toujours, Bondarenko, » dit-il au vague-mestre, un beau garçon au teint fleuri. Vronsky n'avait pas revu Serpuhovskoï depuis 3 ans. Il le trouva toujours aussi beau, mais d'une beauté plus mâle. La régularité de ses traits frappait moins encore que la noblesse et la douceur de toute sa personne. Il remarqua en lui la transformation propre à ceux qui réussissent et qui sentent leur succès. Un certain rayonnement intérieur lui était bien connu. Comme Serpuhovskoï descendait l'escalier, il aperçut Vronsky et un sourire de contentement illumina son visage. Il fit un signe de tête en levant son verre pour indiquer par ce geste, en lui envoyant un salut affectueux, qu'il fallait trinquer avec le vague-mestre, raide comme un piquet et tout prêt à recevoir l'accolade. « Te voilà donc !» cria le colonel. « Et Yajvin qui prétendait que tu étais dans tes humeurs noires !» Serpuhovskoï, après avoir dûment embrassé 3 fois le beau vague-mestre et s'être essuyé la bouche de son mouchoir, s'approcha de Vronsky. « Ah, que je suis content de te voir !» dit-il en lui serrant la main et en l'emmenant dans un coin. « Occupez-vous deux !» cria le colonel à Yajvin et il descendit vers le groupe de soldats. « Mais pourquoi n'es-tu pas venu hier aux courses ?» « Je pensais t'y voir, » dit Vronsky en examinant Serpuhovskoï. Ah, « J'y suis venu, mais trop tard. Pardon, » dit-il en se tournant vers un aide-de-camp. « Distribuez cela de ma part, je vous prie. » Et il tira de son portefeuille 3 billets de 100 roubles. Vronsky, veux-tu boire ou manger? Demanda Yashvin. Hé, qu'on apporte quelque chose au comte. Bois ceci en attendant. La fête se prolongea longtemps, on but beaucoup. On porta Serpouvskoï en triomphe. Puis ce fut le tour du colonel. Ensuite, le colonel dansa lui-même une danse de caractère devant les chanteurs. Après quoi, un peu las, il s'assit sur un banc dans la cour et démontra à Yashvin la supériorité de la Russie sur la Prusse, notamment dans les charges de cavalerie, et la gaieté se calma un moment. Serpouhovskoï alla se laver les mains dans le cabinet de toilette et y trouva Vronsky qui se versait de l'eau sur la tête. Il avait ôté son uniforme d'été et s'arrosait le cou. Quand il eut fini ses ablutions, il vint s'asseoir près de Serpouhovskoï et là, sur un petit divan, ils causèrent. J'ai toujours su tout ce qui te concernait par ma femme, dit Serpouhovskoï. Je suis content que tu la vois souvent. Oh, c'est une amie de Varia et ce sont les seules femmes de Pétersbourg que j'ai plaisir à voir, répondit Vronsky avec un sourire, prévoyant la tournure qu'allait prendre la conversation et ne la trouvant pas désagréable. Les seules? Demanda Serpouhovskoï en souriant aussi. Oui, moi aussi. Je savais ce qui te concernait, mais ce n'est pas par ta femme seulement, dit Vronsky, coupant court à toute allusion par l'expression sérieuse que prit son visage. J'ai été très heureux de tes succès, sans en être le moins du monde surpris. J'attendais plus encore. Serpouhovskoï sourit. Cette opinion le flattait, et il ne voyait pas de raison pour la dissimuler. Oh, moi, je ne serais pas tant à parler franchement, mais je suis content, très content. Je suis ambitieux, c'est une faiblesse, je ne m'en cache pas. Tu t'en cacherais peut-être si tu réussissais moins bien, dit Vronsky. Oh, je le crois, je n'irai pas jusqu'à dire que sans ambition il ne vaudrait pas la peine de vivre, mais la vie serait monotone. Je me trompe peut-être, cependant, il me semble que je possède les qualités nécessaires au genre d'activité que j'ai choisi et que le pouvoir entre mes mains, quel qu'il soit, sera mieux placé qu'entre les mains de beaucoup d'autres, à moi connus. Par conséquent, plus j'approcherai du pouvoir, plus je serai content. C'est peut-être vrai pour toi, mais pas pour tout le monde. Moi aussi, j'ai pensé comme toi. Et cependant, je vis et ne trouve plus que l'ambition soit le seul but de l'existence. Nous aussi, voilà, dit en riant Serpouhovskoï. Je commence par te dire que j'ai su l'affaire de ton refus. Et je l'ai naturellement approuvé. Selon moi, tu as bien agi dans le fond, mais pas dans les conditions où tu devais le faire. Ce qui est fait, fait, et tu sais que je ne renie pas mes actions. D'ailleurs, je m'en trouve très bien. Très bien, pour un temps. Tu ne t'en contenteras pas toujours. Ton frère, je ne le dis pas, c'est un bon enfant, comme notre hôte. « L'entends-tu ? » ajouta-t-il en entendant des hurrahs prolongés dans le lointain. « Mais cela ne peut te suffire à toi. »« Oh, je ne dis pas que cela me suffise. »« Et puis les hommes comme toi sont nécessaires. »« À qui ? » ?»« À qui ? » ?»« À la société, à la Russie. »« La Russie a besoin d'hommes, elle a besoin d'un parti. »« Sinon tout ira à la diable. » Qu'entends-tu par là le parti de Vertenev contre les communistes russes ? Non, dit Serpouhovskoï avec une grimace à l'idée qu'on pût le soupçonner d'une semblable bêtise. Tout cela, c'est une blague. Ce qui a toujours été sera toujours. Il n'y a pas de communistes, mais des gens qui ont besoin d'inventer un parti dangereux quelconque par esprit d'intrigue. C'est le vieux jeu. Ce qu'il faut, c'est un groupe puissant d'hommes indépendants comme toi et moi. Pourquoi cela ? Vronsky nomma quelques personnalités influentes. Ceux-là ne sont cependant pas indépendants. Ils ne le sont pas uniquement parce que de naissance, ils n'ont pas eu d'indépendance matérielle, de nom, mais qu'ils n'ont pas, comme nous, vécu près du soleil. L'argent ou les honneurs peuvent les acheter. Et pour se maintenir, il leur faut suivre une direction à laquelle eux-mêmes n'attachent parfois aucun sens, qui peut être mauvaise, mais dont le but est de leur assurer une position officielle et certains appointements. Cela n'est pas plus fin que cela, quand on regarde dans leur jeu. Je suis peut-être pire ou plus bête qu'eux, ce qui n'est pas certain. Mais en tout cas, j'ai comme toi l'avantage important d'être plus difficile à acheter. Plus que jamais, les hommes de cette trempe-là sont nécessaires. Vronsky l'écoutait attentivement, moins à cause de ses paroles que parce qu'il comprenait la portée des vues de son ami, tandis que lui-même ne tenait encore qu'aux intérêts de son escadron. Serpuhovskoï envisageait déjà la lutte avec le pouvoir et se créait un parti dans les sphères officielles. Et quelle force n'acquérait-il pas avec sa puissance de réflexion et d'assimilation et cette facilité de parole si rare dans son milieu? Quelque honte qu'il en éprouva, Vronsky se surprit un mouvement d'envie. Il me manque une qualité essentielle pour parvenir, répondit-il, l'amour du pouvoir. Je l'ai eu, mais je l'ai perdu. Bon, n'en crois rien, dit en souriant le général. C'est pourtant vrai, maintenant surtout, pour être absolument sincère. Maintenant, peut-être, mais cela ne durera pas toujours. Cela se peut. Tu dis « cela se peut » et moi je dis « certainement non », continua Serpuhovskoï, comme s'il eût deviné sa pensée. « C'est pourquoi je tenais à causer avec toi. J'admets ton premier refus, mais je te demande pour l'avenir carte blanche. Je ne joue pas au protecteur avec toi, et cependant pourquoi ne le ferais-je pas? N'as-tu pas été souvent le mien? Notre amitié est au-dessus de cela. » Oui, donne-moi carte blanche et je t'entraînerai sans que cela y paraisse. Mais comprends donc que je ne demande rien, dit Vronsky, si ce n'est que le présent subsiste. Serpuhovskoï se leva et se plaçant devant lui. Je te comprends, mais écoute-moi. Nous sommes contemporains, peut-être as-tu connu plus de femmes que moi. Son sourire et son geste rassurèrent Vronsky sur la délicatesse qu'il mettrait à toucher l'endroit sensible. Mais je suis marié, et, comme a dit je ne sais plus qui, celui qui n'a connu que sa femme et l'a aimée en sait plus long sur la femme que celui qui en a connu mille. Mais nous venons, cria Kronsky à un officier qui s'était montré à la porte pour les appeler de la part du colonel. Oui, nous venons. Il était curieux de voir où Serpuhovskoï voulait en venir. La femme, selon moi, est la pierre d'achoppement de la carrière d'un homme. Il est difficile d'aimer une femme et de rien faire de bon, et la seule façon de ne pas être réduit à l'inaction par l'amour, c'est de se marier. « Comment t'expliquer cela ?» continua Serpuhovskoï, que les comparaisons amusaient. « Suppose que tu portes un fardeau. Tant qu'on ne te l'aura pas lié sur le dos, tes mains ne te serviront à rien. C'est là ce que j'ai éprouvé en me mariant. Mes mains sont tout à coup devenues libres. Mais traîner ce fardeau sans le mariage, c'est se rendre incapable de toute action. » Regarde Massonkov, Kloupov. Grâce aux femmes, ils ont perdu leur carrière. Mais quelle femme, dit Vronsky, en pensant à l'actrice et à la française auxquelles ces deux hommes étaient enchaînés. plus la position sociale de la femme est élevée, plus la difficulté est grande. Ce n'est plus alors se charger d'un fardeau, c'est l'arracher à quelqu'un. Oh, tu n'as jamais aimé, murmura Vronsky, en regardant devant lui et songeant à Anna. Oh, peut-être, mais pense à ce que je t'ai dit, et n'oublie pas ceci. Les femmes sont toutes plus matérielles que les hommes. Nous avons de l'amour une conception grandiose. Elle reste, elle, toujours à terre, et terre à terre, tout de suite, dit-il à un domestique qui entrait dans la chambre. Mais celui-ci ne venait pas les chercher, il apportait un billet à Vronsky. De la princesse Verkhoï. Vronsky décacheta le billet et devint tout rouge. Bon, j'ai mal à la tête et je rentre chez moi, dit-il à Serpulovskoy. Bon, alors adieu, tu me donnes carte blanche, hein, nous en reparlerons. Je te retrouverai à Pétersbourg.